集団による相次ぐ次都民は眠れぬよ。さて次は今日の特集、夏のお台場名物コミックマーケットは今年も 天に星、地に花、人に愛を、愛の戦士キューティーハリーさん。 何を？なんだと？てめえらみたいなド素人に俺んちのラーメンの味が分かってたまるか！てめえら！それだけでき口叩くんなら佐渡にプララーメン作るんだろうな！ ラジオプルさん。 Bonsoir, c'est le narrateur, c'est vendredi, et j'ai décalé dans le temps et l'espace Tokyo Mental. Bienvenue Audionautes. Bienvenue arpenteurs des émotions sonores, vagabonds des fréquences modulées. Nous sommes les faiseurs de musique et nous sommes les rêveurs du rêve. Bizarrement, nous sommes dans la 9e heure de Tokyo Mental, le 9e jour de décembre, et il est un petit peu plus de 21h. Si ça c'est pas un signe... Je sors de 8 jours d'un tunnel de fièvre, de rêves étranges et d'épiphanie. Épiphanie. Certains ont des épiphanies dans leur bain. Moi, j'ai des épiphanies quand je suis malade. C'est-à-dire que je comprends des trucs. Je ne vais pas vous faire un exposé sur ce que j'ai compris. Ce sera un peu long. Mais j'ai aussi envie de passer de la musique. Là, ce soir, je suis... Comment dirais-je ? C'est comme si j'avais bu de l'alcool. Je me sens flottant. Très légèrement au-dessus de mes pieds. Pourtant j'ai rien bu, pourtant j'ai rien fumé. J'ai envie de crier très très fort. Je sais pas pourquoi. Globalement je suis crevé. En venant ce soir, alors qu'il pèle dehors, mais vraiment il pèle, je me suis dit mais pourquoi ? Pourquoi tu viens faire ton émission en direct alors que la plupart des gens font ça tranquillement chez eux, l'enregistrent, même dans les conditions du direct, et se contentent de balancer ça sur le serveur pendant que le robot, lui, fait comme s'il y avait quelqu'un dans le studio. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'il y a un auditoire, ça j'en sais absolument rien. Et puis, franchement, que vous soyez là ou pas, ça change rien. Si vous êtes là, tant mieux. Si ça vous plaît, tant mieux. S'il n'y a personne, coucou, plus personne, tant pis. Parce que je le fais pour moi, par acquis de conscience. Pas vraiment non plus. Non. Le présentisme, c'est un truc qui m'a toujours saoulé. Je préfère être présent là où c'est vraiment important, plutôt que d'être présent pour être présent, pour dire j'ai été présent. Par satisfaction personnelle de faire quelque chose, vous voyez, un truc d'artiste. J'ai fait une œuvre. Bon, ça s'appelle une émission, mais c'est une œuvre. Non plus. N'importe qui peut faire une émission. Même une machine, une bête machine. Il y a des milliards de playlists sur YouTube. Il suffit de faire play. Ça s'enchaîne tout seul, c'est magique. Pas besoin de faire de sélection, pas besoin de décider de faire un choix éditorial. Je suis là parce que j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol de ce monde numérique. Tout est pareil, tout est à égalité. Un streaming est un streaming. Qu'il soit fait par un humain, par une machine, qu'il ait été fait il y a 10 ans, qu'il soit fait dans 10 ans. Qu'il soit fait en direct, tout le monde s'en fout, c'est pareil. C'est du contenu. Une espèce de présence vibratoire. C'est dans l'air, c'est là, voilà. Pendant ce temps-là, on fait autre chose. On écrit des conneries sur Twitter. On like des photos sans intérêt sur Instagram. Puis, d'un coin de l'œil, oh, un truc sur Netflix. Une merde de plus. Oui, du contenu. Du caca. Du caca, du caca, du caca. Dans des quantités phénoménales. Jamais l'humanité n'a produit autant de contenu audiovisuel. Dans quel but ? Moi, je sais dans quel but, pour vendre de la pub. Mais sinon, à quoi ça sert? On a des milliards d'heures d'écoute, de vidéos, de musique. On en produit comme des malades. Comme si notre vie en dépendait. Moi, je pourrais vivre 10 vies avec tout ce qu'il y a sur YouTube. Donc si je suis là ce soir, c'est parce que c'est un choix. Le choix d'être là. Un choix émotionnel, un engagement personnel. J'ai dû m'habiller, j'ai dû sortir, j'ai dû dépenser de l'énergie. Plus j'ai le trac. Tout ça, je pourrais m'en dispenser. Mais dans quel but ? À quoi ressemblerait Tokyo Mental ? Ce serait quoi l'idée derrière ? Vous êtes prêts ? Comme d'habitude. Fermez les yeux. On va descendre. On va aller vers cette Tokyo imaginaire. Cet endroit qui n'existe pas, seulement dans ma tête. Un endroit fait de sons qui génèrent des émotions, qui génèrent des histoires. Un endroit où les mots n'ont plus vraiment d'importance. Un endroit où le voyage, c'est le vôtre, c'est le mien. Bonne émission. メンタル。だんだん込めた焼酎を僕は片手に持っている。 Ciao, がしているの醸し出されることのない美酒を雨に負けぬ花になるというの柔らかな心を石に変えて無様なぬ家のような街でさえ花びらに染まるというのに今はただ春をやり過ごすだけ浅い夢酔えないあなたのように行き先も on a real coin, a fake gun, kakia. My music, don't shed it, now I'm all shed it. You're so cold, but I'm tired, I'm content. Fellows, key is on the coin. I'd smell the coin, Tomos the long time. Mata, この光忍び寄る灯台守り抜く無垢なドール We can make it better again team 衰えはしない声を出い We can make it better 先生また時代のせいに落ちかい東の空へ No escape 不 確かに光る三点明るみに出だすシャドウ終わりにしないか断点For you and me Always go my way through The past away I go to you に感じた 気持ちはどこへと向けりゃいい誰のせいでもないな今はあなたが笑っていられるように Classic. Classic. 気分が乗ってゲハイ一気に吹き込んだバイブのままでムーひとときの夢はデブー思わず漏れる声はウーノイズは全てキャンセル Remember you're here foreverWalking on the moon Holding a fortunate Dancing in the moonlight Sun is pop off Feeling out 世界を置いて Forget yourself Young and so free You can Woo! Feeling real Kissing that 心地よさ I'm number one mellow Hey ラブとバス祈ったってダメダメ I know make it better もっと先を見せたい何度か怖いでこあなた lonely night まだまだ約束さ blow your mind 革命は bet you never feel like this Walk you on the moon Holding a fortunate Dancing in the moonlight Sun is pop up Feeling out 世界を置いて Forget yourself young and so free. Radio Pulsar. あの赤が消えない君。 back もったいない I got that small plea でもここから先未開の地へ Let go Baby 笑えない冗談 Shut up, shut up どこまで行っても音響かない世界に興味はないから Baby let me go It's that day 刺激求め Take you make you get it always thinking 先輩止めあんな時そのまま Trust me yeah. Yeah. このまま揺れていたい Up down for me ダラダダダドゥエオダラダダダドゥエオダラダダダドゥエオ ダラダダダドゥエオダラダダダドゥエオダラダダダドゥエオ宇宙に精神飛ばせば Like that 方向に積もり隠されてよ奇跡だってそう You can touch this 本当に気づいてよ体が Feeling 動き出した心はこのまま Sway 休みなく君じゃ君と見てみたい終わりがない Weekend音の鳴り止まない片道 1HK 乗りこなせ機械ハー止まるなよ feel like that Yeah, yeah You know 踊り出す fellows まだで hero People like that ダラダダドゥエオダラダダダドゥエオダラダダダドゥエオダラダダダドゥエオダラダダダドゥエオダラダダダドゥエオ Meku, 頭の中で揺らめく All my people, it's 伝わる波が人を動かす Yeah, I can do it all day, I can do it all night I can do it baby all night long We can do it all day, we can do it all night We can do it baby all night long 気づけば一人きりのダンスを踊り続けていれば戦闘楽しんだもの勝ちさ成功 Yeah, get it back Da da do well, da da da da da do well, da da da da da do well, da da da da da do well, da da da da da do well, da da da da da do well, da da da da da do well, da da da da da do well, da da da da da do well, da da da da da do well, da da da da da do well. 言葉遊びがドライ悪ふざけも気

Shine. 이렇게 가까이 왔을 때 confident enough yeah. 깨질 날 시대 I'm just like I wanna do 도서신 여기 신호 committed my walk and close it 손 알고 들쏘라 Yeah, you don't me at I 도가와사즈키 haters yeah. Can you be quiet? 열심히 속아 오시 I like to be lonely I can't hold on myself hey. Tokyo Mental est fini dans 5 petites minutes. Il me reste à vous souhaiter une bonne nuit. On se les gèle dehors, mais c'est pas grave, on y va quand même. On se retrouve la semaine prochaine, donc vendredi, 21h, 22h. C'est l'horaire. C'est le segment temporel, désormais, de Tokyo Mental. Un petit dernier pour la route. I'm not alone.